France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Finesse psychologique, description somptueuse de la Cornouaille et trame narrative haletante. Ainsi, Tatiana de Ronay analyse l'œuvre de Daphné du Maurier dans la préface du volume consacré au roman de Cornouaille. L'auberge de la Jamaïque, la crique du français, ma cousine Rachel, volume qui vient de paraître chez Albin Michel. Tatiana de Ronay est également auteure d'une biographie de Daphné du Maurier, Manderley Forever, publiée chez Albin Michel, Héloïse d'Ormesson. Daphné du Maurier. Le destin, la jalousie, le soupçon, dans Rebecca, dans Les Oiseaux par exemple. Était-elle à l'aise dans son milieu, la très bonne société anglaise, Daphné du Maurier? Elle pouvait écrire ce qu'elle voulait, ce qui, pour elle et pour nous, est bien l'essentiel. Première diffusion sur France Culture le 26 décembre 1996. The news from ITM. Disaster at San Marino, but Mansell's teammate makes miraculous escape. L'écrivain Daphné du Maurier s'est éteinte chez elle en Cornouailles. Elle avait 82 ans. Daphné du Maurier a passé la plus grande partie de sa vie recluse dans sa maison en Cornouailles, loin des regards du public, totalement vouée à l'écriture. La plupart de ses livres ont été des best-sellers. Son nom suffisait à assurer le succès. Elle a été anoblie en 1969. Elle avait l'écriture dans le sang. Une vie, une œuvre. Daphné du Maurier, une greffure à l'âme. Par Florence Marquier. Almost throughout her career, she was to stay with one publisher, Gollancz. Olivia Gollancz says the family firm viewed her books as unputdownable, even from page one. J'ai rêvé l'autre nuit que je retournais à Manderley. J'étais debout près de la grille, devant la grande allée. Mais l'entrée m'était interdite, la grille fermée par une chaîne et un cadenas. Quand elle était seulement une voix au-dessus de moi sur cet escalier, parce que la porte était fermée, on était arrivé trop tôt, et on était sur l'escalier dehors dans ce grand hôtel, et c'était tard, c'était le soir, et c'était pas très bien illuminé. Alors moi j'ai entendu une voix au-dessus de moi qui m'a dit, je crois que la porte est fermée, mais il faut attendre. Et on a commencé à parler, mais on a parlé de Paris, de théâtre, de toutes sortes de choses. Moi, je ne voyais pas cette personne. Moi, j'étais sur le bas, elle était peut-être en haut. Et on s'est parlé comme ça, on a ri, on s'est amusé. Et quand notre hôtesse est arrivée, bien sûr, je ne savais même pas que c'était Daphné du Maurier. Elle dit qu'elle a besoin de beaucoup de solitude, ce qui est logique pour un écrivain. Anne Rabinovitch. Pour récupérer, j'imagine. C'est vrai qu'elle avait une vie assez mondaine avec son mari, qui était... qu'est-ce qu'il faisait? Elle était... oui, non, mais elle connaissait le prince Philippe, la reine était venue chez elle. Donc elle avait une vie vraiment mondaine. Et c'est sûr que pour écrire, elle avait besoin de se retirer et de mener sa vie à la campagne... tranquille, et je pense qu'elle était, bon, elle a l'air de dire qu'elle était assez timide. Dans ces occasions-là, elle est très embarrassée, elle a toujours peur de faire une bêtise, et elle n'est jamais coiffée ou habillée comme il faut. Donc, c'est vrai que bon, on la voit apparaître à travers sa relation avec Auriel Maldet, qui est d'une grande chaleur, en même temps d'une grande simplicité. Bon, aussi très enthousiaste. Elle l'accueille, elle s'en occupe. Bon, on a cet exemple, puisqu'on a la correspondance. Il a dû y en avoir beaucoup d'autres qu'on ignore. « le 24 août 1955. Très cher Auriel, le temps est toujours merveilleux et je continue de me baigner deux fois par jour et il n'y a pas trop de monde. Ce pauvre Maupère a une crise de foie et un limbago pour la régate. Aussi, il n'a pas pu embarquer. N'est-ce pas désolant ? Il était obligé de rester tout courbé, c'était lamentable. Je serai de retour en Angleterre le 24, je suppose, et j'espère être alors inspirée pour écrire non le récit de ma vie, mais ce qui aurait pu être si c'était arrivé un beau jour, si les vessies avaient été des lanternes, et les hommes des femmes, et le monde différent, etc., etc. Ce qui est une toute autre histoire. Lettre de Daphné du Maurier à Auriel Mallet. Elle était physiquement très très belle. Elle avait des yeux très bleus et elle avait les cheveux blonds qui naturellement avec le temps sont devenus gris, mais elle était toujours très souple, elle n'était jamais comme une vieille personne. Auriel Mallet. Et elle était très vivante toujours et très gaie. Mais elle avait des moments très sérieux, ou des moments même de déprime, mais qu'elle cachait. Parce que quand je pense à elle, je pense toujours que nous avons passé des jours où on riait, où on s'amusait, et c'était vraiment la maison de mes vacances. Oui, mais elle aimait aussi être seule, parce que pour travailler, elle devait avoir la solitude. Alors elle aimait beaucoup que la maison soit remplie par tous les enfants et certaines amies, pas beaucoup, son mari et tout, pendant les vacances. Et elle ne travaillait absolument pas pendant les vacances scolaires, jamais. Mais en général, elle se retirait dans une hutte qu'elle avait au fond du jardin et elle écrivait là, pas dans la maison. « Très cher Auriel, je poursuis assidûment mes recherches pour mon histoire du XIVe siècle, mais je délaisse Kilmars même pour m'intéresser à tout le manoir tel qu'il était à cette époque. Il y a une chose très importante que je n'arrive pas à trouver. Où était situé le manoir d'origine ? Il n'y a aucune trace de son emplacement, ce qui est tout à fait inhabituel, car la plupart des vieux manoirs sont encore des fermes. Aussi, je prends la voiture pour explorer la région, c'est très amusant, et je fais le tour de toutes les vieilles fermes avec mes jumelles. Et je suis sûre que les gens me prennent pour une espionne qui se cache derrière les haies. C'est si puéril en réalité, cela ressemble au jeu auquel je jouais petite fille. On revient toujours à ses premières amours. Mais ce n'est pas un passe-temps. » Lettre de Daphné du Maurier à Auriel Mallet. Traduction d'Anne Rabinovitch. C'est une maison avec beaucoup de recoins et de mystères et... un peu humide, comme l'Angleterre. Anne Rabinovitch. Avec des... Je sais pas, plein d'animaux sauvages. Retirés, c'est difficile d'y accéder. Il y a la mer, pas loin, oui. Oui. Là où elle allait écrire. Non, elle écrivait dans sa cabane. Rappelez-vous. Elle a une cabane où elle se retire pour écrire toute la journée. Et où elle oublie tout. Non, elle allait méditer devant la mer. Ça, c'est une autre image. C'est plus romantique que d'être dans sa cabane en train de vivre la monotonie des journées. Parce que ça a l'air très monotone, le travail d'un écrivain, finalement. Du dehors. On se demande toujours comment ça se passe dedans. Mais vu de l'extérieur, il y a beaucoup de contraintes. On reste enfermé, on réfléchit... C'est exaltant, mais ça se voit pas. C'est ça le mystère. Il y a des moments où il y a la clarté, puis des moments où on est dans l'ombre. Mm-hmm. Hein? Mais pour les quelques moments de clarté, ça vaut la peine. Bon, elle dit qu'il ne faut pas d'intrigue. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais elle dit qu'on peut se passer d'intrigue, c'est pas la peine. Bon, c'est pas nécessaire. Oui, l'atmosphère se met en place, les personnages aussi. C'est là. T'es présent. Donc on est maîtrisé par la création. C'est pas soit on a la sensation de ne pas maîtriser la création, mais c'est la création qui vous maîtrise. C'est une sensation. On doit se tromper, mais ça fait rien. Non, j'ai pas l'impression qu'elle écrivait vite. Elle avait un foisonnement d'idées, mais elle dit que quelquefois ça lui prend du temps et qu'elle a beau se concentrer, ça n'avance pas. Pourtant, elle écrit d'une manière très fonctionnelle. Elle a ses plans, quelquefois elle fait des plans, ou elle les bouleverse, ou bien elle dit qu'elle ne les suit pas. Mais elle a quelque chose de très studieux. Oui, c'est l'impression qui se dégage, ce qu'elle explique. C'est pour ça que je vous dis, ça peut paraître monotone. Et des moments où vraiment elle s'astreint à s'enfermer dans sa cabane, même si ça n'avance pas, elle est là et elle attend que ça vienne. Que tous les romans de Daphné du Maurier sont écrits à la première personne. Alors, si on est un peu logique, on suppose que les gens s'en tirent puisqu'ils sont là pour raconter l'histoire. On est à la première personne. Mais malgré tout, même si on sait que ces gens-là vont s'en tirer, on a la trouille. Pourquoi a-t-on la trouille? Pourquoi? Parce que Daphné du Maurier nous tient par la main très solidement et nous plonge avec elle dans les abîmes de l'horreur. Christine Brouillet. Dans Rebecca, le personnage que je vais nommer elle, il faut s'entendre avec les auditeurs, c'est que le personnage de Daphné, dans le livre de Daphné du Maurier, on parle beaucoup de Rebecca qui a disparu, qui était la première épouse de Max de Winter. Et la seconde épouse, on ne la nomme jamais. C'est une jeune femme. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une jeune femme timide qui va vivre avec le fantôme de Rebecca, mais elle n'est pas nommée, donc on va l'appeler elle. Mais elle, c'est elle qui raconte l'histoire de Rebecca, qui raconte ce qu'elle a vécu avec son mari en tant que deuxième femme. Elle accueille à Manderley. Et elle dit au tout début du livre, « Nous ne pouvons pas retourner à Manderley, c'est sûr. » Pourquoi peuvent-ils pas retourner à Manderley? La première question qu'on se pose, c'est ça. Donc déjà, elle nous intrigue. Ensuite, elle va dire, lorsque je me rappelle mon premier bal à Manderley, mon premier et mon dernier. On dit, pourquoi c'est son dernier bal? Bon, on sait qu'elle est toujours vivante, mais on suppose évidemment que s'est passée une catastrophe épouvantable pour qu'elle ne puisse pas retourner à Manderley, pour qu'elle ne désire pas retourner à Manderley. Et elle va expliquer dans le même souffle que maintenant, elle et son mari vivent un bonheur qui est très calme. Ils vivent dans une... Ils vivent, je dirais pas chichement, mais pour des gens qui avaient autrefois un château. Ils vivent modestement dans des petits hôtels. La nourriture qu'ils mangent n'est pas très excitante comparée aux banquets qu'ils avaient. Leur vie est faite de lectures sur les matchs de cricket, des petits romans, des choses qui sont très, très menues, très anodines. C'est le petit quotidien qui sont heureux de vivre de cette manière-là parce qu'ils ont trop vécu auparavant, que ce qu'ils ont vécu les a trop marqués, a été trop dur, et que jamais cette splendeur de Manderley, ils vont la retrouver, ils la désirent plus. Ils ont trop souffert par Manderley. Dans le même ordre, quand on commence le livre « Ma cousine Rachel », la première phrase du livre est « Dans l'ancien temps, on pendait les gens au carrefour des quatre chemins ». Quand on commence avec une phrase comme ça, on sait évidemment qu'on ne fera pas dans la dentelle. C'est pas un roman arlequin, c'est un roman qui va être difficile. Et la dernière phrase du même roman est aussi de nouveau sur la pendaison. Elle boucle la boucle. Alors, on sait qu'il va y avoir un coupable, puisqu'on parle de pendaison. Est-ce que le coupable va être un coupable condamné à tort ou à raison? Et c'est la question, de toute façon, de toute l'intrigue de ma cousine Rachel, c'est est-ce que Rachel est coupable ou pas? Et on le saura, en fait, d'après moi, on le saura pas parce que je pense que Daphné du Maurier ne voulait pas le savoir, mais je dirai plus tard pourquoi. Je pense aussi quand on parle de Rachel, quand Philippe parle de Rachel, dont il s'est entiché, donc il est devenu fou, il est vraiment enchanté dans le sens sortilège par Rachel, il dit « Rachel fut pour moi la première et la dernière femme ». Encore toujours le même truc, premier, dernier. Tu as l'impression que les gens ont commencé leur vie au début du roman et qu'ils la terminent à la fin du roman, qu'il ne leur arrivera plus rien après, qu'il y a quelque chose d'ultime, de définitif et de létal aussi dans les personnages. Et ça, je crois que c'est une force chez Daphné du Maurier de nous mettre tout de suite en contact avec des gens qui sont aussi différents. Il y a aussi cette manière de parler des silences. Il ne dirait rien de plus. Il n'ajouterait rien. Tout ça fait que quand on a ces phrases-là, très souvent, en général, elles sont au début du roman, on est coincé parce que on veut savoir ce qui va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment de si terrible? Elle est dessous l'intrigue. Et en même temps, il y a une sorte de menace, toujours. Il y a toujours une menace. Et je pense que la menace, c'est la chose qui définit Daphné du Maurier. Vraiment, on ne peut pas échapper à la menace, parce que la menace est toujours et partout. Il y a la menace, premièrement, des lieux. C'est presque gothique. Hein? On parle de, par exemple, dans l'auberge de Jamaïque, Mary dit « Un être humain, nul être humain ne pourrait vivre dans cette région dévastée et rester semblable aux autres. » Elle parle ici d'une lande qui est aride, qui est noire, qui est inexplorée. On parle de la bruyère noire, on parle de genêt rabougri, quel que soit le livre. Et quand on parle du royaume de Francis Davy, le vicaire albinos, on parle de grands pics de granit, on parle de vapeurs blanches. On parle toujours de lieux qui sont très souvent déserts, des lieux qui sont dangereux. Par exemple, l'eau est dangereuse aussi. Bon, il n'y a pas seulement la lande désertique où on peut se perdre et jamais se retrouver. Les falaises, bien sûr, d'où on peut tomber. Les crevasses, c'est un univers d'abîme et c'est un univers d'inconnu. Donc, l'inconnu est forcément menaçant. En plus, ça se passe presque toujours le soir. On dirait qu'il y a le jour dans les romans de Du Maurier, mais le jour est moins important, sauf quand... le climat est menaçant pour, et ça c'est un trait d'humour, je ne sais pas si elle l'a fait volontairement, mais quand elle parle d'un voyage de Philippe en Italie pour retrouver son oncle Ambroise, dans ma cousine Rachel, il va à Florence, et Florence est quand même une très très belle ville, c'est une ville chaude, c'est une ville lumineuse, et il dit, il y a des grillons qui commençaient leur chant monotone, la chaleur était plate et fétide. C'est très curieux de définir Florence de cette manière. Je me dis, bon, alors, peut-être Daphné du Maurier, comme anglaise, mieux le brouillard, la brume et tout ça. Mais c'est vrai que ça arrive une fois dans, là, j'ai noté, mais ça arrive qu'une seule fois dans le roman où le soleil présente une certaine menace. On parle d'un soleil rougissant, un soleil qui fond dans l'eau. Dans les lieux, il y a même aussi, par exemple, les jardins, ces fameux jardins où elle extrait les plantes qui vont tuer, enfin. Oui, il y a des plantes vénéneuses, bien sûr, et c'est nécessaire. Mais ça, au début, on sent pas, on ne voit pas pourquoi Rachel cultive avec autant d'intérêt les choses. Ensuite, on parle de, comme j'ai parlé de l'eau aussi, l'eau est très importante parce qu'évidemment, elle peut emporter des secrets. Même dans l'aventure qui vient de la mer, à un moment donné, le personnage explique « Les avirons éveillent un étrange écho ». C'est pas un écho joyeux, c'est pas un écho qui est gai, c'est pas un clapotis, il y a pas ça, c'est un étrange écho. Ça résonne, ça crée des sons, ça peut créer un malaise, une confusion. Et beaucoup plus loin dans le roman, ma cousine Rachel, le personnage dit, je regardais le fleuve ondoyer, s'écouler et se perdre dans les ténèbres. Et je voyais se former des bulles d'écume brunâtre, puis portées par le courant, raides et tournoyant lentement, les quatre pattes en l'air, le cadavre d'un chien passa devant moi et disparut sous le pont. Ce fleuve-là est charrie la mort. Et ce n'est pas c'est pas gratuit que Daphné du Maurier a écrit cette phrase-là. Elle va la reprendre dans un rêve. Parce que le rêve aussi est présent dans l'œuvre de Daphné du Maurier. Il y a un côté avertissement par le rêve. Il y a un côté onirique. Le personnage qui a vu ce chien va revoir une image semblable dans le rêve. On se pose des questions sur les fantômes. Mrs. Danvers dans Rebecca, qui est une femme très inquiétante, qui est une gouvernante qui est dangereuse, qui déteste immédiatement la deuxième femme de Max de Winter et qui va faire souffrir cette femme-là. Quand elle parle de Rebecca qui est morte, pense que Rebecca est toujours présente et dit à cette jeune femme qui est très facile à impressionner, dit « Vous croyez qu'elle peut nous voir en ce moment en parlant de Rebecca? Vous croyez que les morts reviennent et regardent les vivants? » Bon, pour la jeune épousée qui termine son voyage de noces, qui arrive dans une nouvelle maison et qui espère être accueillie, l'accueil est plutôt glacial et plutôt inquiétant. On a parlé d'Oniris, mais il y a des avertissements aussi qui sont très ténus. Quand Rebecca, au tout début du livre, Max de Winter lui offre un livre de poésie. Bon, on apprend très vite que Rebecca l'a lu avant elle, donc un fantôme l'a lu avant elle. Et quand elle l'ouvre, quand elle prend l'ouvrage, le bouquin s'ouvre de lui-même à une page, et cette page, c'est un poème qui a été évidemment souvent lu pour que le livre s'ouvre de lui-même à cette page. Et le poème est celui-ci. « Je l'ai fui au long des nuits, au long des jours. Je l'ai fui sous les arceaux des airs. Je l'ai fui à travers les labyrinthes de mes pensées au milieu des larmes. Je me suis cachée de lui dans la fuite du rire. J'ai dévalé les pentes abruptes et je me suis précipitée à travers des abîmes d'horreur gigantesque, interminablement suivie par ses pas robustes. Bon, il y a quand même plusieurs mots qui sont inquiétants dans ce court poème. C'est au début du livre. On se dit déjà, mon Dieu, cette femme-là qui a ce livre de poésie, pourquoi elle n'est pas tombée sur une poésie heureuse, une poésie de soleil, une poésie qui serait, je ne sais pas, à la limite mièvre, mais qui serait quand même plus gaie que ceci. C'est très beau, oui, mais on parle de labyrinthe, on parle de larmes, on parle de fuite, on parle d'horreur gigantesque. Des mots comme interminable, comme abrupte, comme précipité sont des mots inquiétants. Why don't you go? Why don't you leave Mandalay? He doesn't need you. He's got his memories. He doesn't love you. He wants to be alone again with her. You've nothing to stay for. You've nothing to live for, really, have you? 14 juillet 1973. Très cher Auriel, ce qui m'a rendue folle à la télé cette semaine, c'est cet écrivain, Margaret Duhamel, qui est allée à Haworth et a fait une émission sur les Brontë. Il est évident qu'elle a seulement lu Jane Eyre et Les Hauts de Hurlevent, et elle se démenait dans l'un de ses longs manteaux maxi, les cheveux flottants et bourriffés, même dans les Landes, et elle parlait des trois malheureuses sœurs, affamées de sexe, etc., rêvant de s'enfuir. Je l'aurais giflé. Pas un mot sur l'univers imaginaire de Gondal. Elle a cité l'un des poèmes d'Émilie comme s'il s'agissait de sa propre vie, le poème sur la malédiction, vous le connaissez très bien. Elle a dit que Branwell ne faisait que boire au Black Bull et que Charlotte détestait le presbytère. C'était une parodie. Mille tendresses. Lettre de Daphné du Maurier à Auriel Mallet. Daphné du Maurier, bon, j'étais assez impressionnée quand on m'a proposé de traduire sa correspondance. Mais en me plongeant dans cette correspondance, j'ai découvert tout son univers d'écrivain au travail et qui m'a tout à fait parlé. C'est-à-dire sa manière de décrire au quotidien comment elle procède, de manière simple finalement, la façon dont elle prend des notes. Dont elle visite les lieux aussi. Elle voyage beaucoup pour ses nouvelles, pour ses romans. Elle va en Italie, elle va en France. Et elle consigne tout cela dans ses notes et donc dans les lettres qu'elle écrit à Auriel Mallet dans ce livre. En même temps, dans le cadre d'une amitié entre un écrivain arrivé et une romancière qui débute. Donc c'est une jolie rencontre. En fait, c'est une triple rencontre, d'une certaine manière. Et elle parle de sa façon de travailler, de sa méthode, peut-être. Oui, elle raconte comment l'écrivain vit ses émotions, toujours par rapport à l'écriture. En fait, un écrivain ne vit pas comme les autres gens. Ça a l'air un peu curieux peut-être, mais comment chaque chose est recyclée, resituée dans le cadre de son travail d'écrivain. C'est-à-dire que si elle a une émotion forte, même si ça n'est pas transposé immédiatement dans son livre actuel, sera peut-être transposé plus tard. Bon, si à un moment donné elle parle de son deuil quand elle perd son mari. Et où les gens lui disent « Mais vous avez vos romans ?» Elle dit « Mais je suis incapable de travailler à ce moment-là. » Elle était beaucoup trop bouleversée. Et pourtant, un livre l'aurait absorbée, l'aurait protégée. Mais l'écriture ne protège pas toujours quand on le souhaite. C'est, bon, l'écriture a aussi ses surprises et ses propres rythmes qu'on ne maîtrise pas toujours. Même Daphné du Maurier ne maîtrise pas toujours. Vers la fin de sa vie, elle dit qu'elle est beaucoup moins prolifique et qu'elle a beaucoup plus de mal à se mettre à la place de ses personnages, qu'elle est beaucoup plus lente et qu'elle a beaucoup moins de passion qu'avant. Elle raconte ça à un moment de sa correspondance. C'est d'ailleurs très émouvant de voir comme l'œuvre de quelqu'un le suit d'aussi près dans son existence. C'est ça a quelque chose de très poignant. Et est-ce qu'il y a, enfin, il y a ce, vous parliez des lieux, vous parliez de ces personnages. Est-ce que vous avez senti, parce que bien sûr, la question qui peut se poser, c'est, on parle souvent de Rebecca et du jeu, enfin, du problème entre celui qui écrit et celui qui va infiltrer à ces personnages, peut-être son moi, enfin, comment ça vibre? Bah, elle explique, elle, que le jeu de Rebecca, c'était elle. Mais libérée. Libérée. Bon, elle se débrouille, hein. C'était sûrement elle. Mais c'est. Bon, je pense que Daphné du Maurier est une grande professionnelle, donc elle se débrouille pour noyer la curiosité du lecteur à ce propos. Bon, chaque romancier essaye de s'en débrouiller. Et est-ce qu'elle parle de la manière dont elle accompagne la vie, en fait, d'un de ses personnages? Elle en parle aussi. Bon, pour les nouvelles, elle explique comment un personnage lui est venu à l'esprit et comment elle le suit, ou bien comment elle s'inspire directement de quelqu'un qu'elle connaît. C'est là que vient l'expression, la fameuse expression du porte-manteau. C'est une manière d'introduire les gens de la vie, les personnages de la vie de tous les jours, dans l'œuvre écrite. Bon, de les transposer, mais en même temps de ne pas les transposer. Donc, c'est une manière d'introduire la réalité dans la fiction et la fiction dans la réalité. Enfin, c'est une sorte d'échange, d'enchevêtrement très complexe. Il y a des personnages qui servaient de base pour ces personnages de roman. Mais je pense malgré tout que les personnages dont elle parle, c'est pas des gens qui étaient vraiment dans sa vie. Bon, c'est pas des gens qu'elle aimait beaucoup ou auxquels elle tenait profondément. C'est quand même des personnages un peu subsidiaires dans son existence, donc elle pouvait prendre et poser dans ses livres et transformer. Et à un moment donné, elle dit, peu importe que les gens s'en doutent, on s'en moque. Donc je pense pas, bon, elle allait pas mettre son mari ni ses enfants, quoi. Il y a aussi le problème de faire vivre un personnage et puis de le faire disparaître. Je vous avais traduit à un moment donné, elle couchait les personnages, elle les tuait. Elle dit qu'il faut coucher les personnages sur le papier pour s'en débarrasser dans la vie. Il y en a d'autres qu'elle tue dans ses livres pour s'en débarrasser dans la vie. Et à un moment donné, elle parle d'une personne qui est une de ses amies, enfin bon, pas très proche, qui est morte. Et elle dit vraiment, ce qui m'a bouleversée, c'est que je n'étais pas triste parce que cette personne-là avait disparu, mais parce que j'avais perdu un porte-manteau. Les écrivains sont cyniques. The next was Rebecca. Rebecca, apparemment le préféré de tous mes livres. Je n'ai jamais compris pourquoi. Enfin, je veux dire, je n'aurais jamais pensé qu'il allait se vendre tellement je n'y ai pas pensé quand je l'écrivais. Je pensais à... Je ne sais pas. Faire le portrait de Mena Billy. Penser à l'époque... au paysage tel qu'il était autrefois. Ça commence comme ça. J'ai rêvé l'autre nuit que je retournais à Manderley. J'étais debout près de la grille, devant la grande allée, mais l'entrée m'était interdite, la grille fermée par une chaîne et un cadenas. C'était vraiment Mena Billy ? Ah oui, c'était tout à fait la grande allée de Mena Billy. Il y avait un portail de fer qui a été vendu pendant la guerre. On a tiré un film de Rebecca. Ah, Rebecca, c'était merveilleux. Laurence Olivier, John Fontaine, c'était extraordinaire. Max. Hello, darling. Oh, Maxim, I'm worried about what you'll do at the inquest tomorrow. What do you mean? You won't lose your temper, will you? Promise me that they won't make you angry. All right, darling. I promise. No matter what he asks you, you won't lose your head. Don't worry, dear. They can't do anything at once, can they? No. Then we've a little time left to be together. Yes. I want to go to the inquest with you. I'd rather you didn't, darling. But I can't wait here alone. I promise you I won't be in any trouble to you. Les lieux qu'elle choisit, je parlais de l'Inde, mais il faut aussi parler des maisons. Et Hitchcock l'avait très, très bien compris. Et quand il a adapté Rebecca, il a dit lui-même, des entretiens qu'il avait fait avec François Truffaut, il avait dit « Je dois garder cette maison isolée pour m'assurer que la peur, il sera sans recours. » Et Daphné du Maurier le fait avec l'auberge à Jamaïque, le fait avec Rebecca, le fait avec ma cousine Rachel. C'est toujours des maisons, quoique ma cousine Rachel, la maison est quand même, il y a des gens qui y vont et qui y viennent, mais reste que c'est des maisons qui sont pas en pleine ville. On a l'impression que s'il arrive quelque chose de dramatique à un personnage, il n'y aura pas de secours. Il doit y attendre de secours de personne, il peut compter que sur lui-même. Comme souvent, c'est des personnages qui sont faibles, qui sont innocents, on se dit « mais ils n'en tireront jamais ». Ils n'auront pas le temps de faire ce qu'il faut, de sortir la maison ou d'échapper au danger. Ils ne pourront pas échapper au danger. La maison est pleine de pièges. Quand la jeune épousée dans Rebecca arrive dans cette maison, elle ne la connaît pas. Donc, elle va ouvrir des portes quand son mari va être absent et on ne peut pas faire autrement que penser à Barbe Bleue. On se dit, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on sent qu'elle est suivie par l'horrible gouvernante, on se dit, mais elle pourrait disparaître. Il peut y avoir des pièges, des trappes, des précipices. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? On suppose que c'est pas des oubliettes, mais en fait, elle épouse très vite cet homme qu'elle ne connaît pas. Donc, ça pourrait être Barbe Bleue. On le sait pas, sa femme est morte. Elle est morte de quoi, sa première femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça est très... on se demande qu'est-ce qui a pu arriver à cette femme-là. Qu'est-ce qui va lui arriver à la nouvelle? L'ancienne et la nouvelle, c'est vraiment... donc, c'est très, très inquiétant. L'auberge, la Jamaïque, évidemment, est une auberge qui est pleine de pièges réels. Qu'est-ce que c'est que cette pièce condamnée? Bon, on n'a pas condamné une pièce inutilement. Là encore, on va penser à Barbe Bleue. Cette manière de garder des choses très mystérieuses, très secrètes. On suppose que c'est des trésors, mais des trésors monstrueux qui sont cachés derrière ces portes-là. C'est un peu la souricière. En fait. C'est un peu la souricière et cette manière de dissimuler. Il y a des choses trappes dans les romans de Daphné du Maurier. Il y a beaucoup de choses qui viennent par la dissimulation. On a parlé de secret tout à l'heure. Le secret est très important dans l'œuvre de Daphné du Maurier. Il y a la dissimulation. Bon, les personnages très hypocrites nous viennent tout de suite à l'esprit. Rachel qui ment comme elle respire. Mais ment-elle à ce point-là? Et ment-elle comment? Elle va prendre la part toujours de Philippe, elle va embobiner Philippe très facilement, comme elle a embobiné son cousin auparavant. Il y a cette manière de dissimuler sa vraie nature. Mais il y a aussi tout ce qui est le secret, des secrets réels, des choses qu'on tait. Le personnage de Joss Merlin, qui est le naufrageur dans l'auberge de Jamaïque, est un homme qui boit beaucoup. Mais va quand même dire à sa nièce, je ne suis pas assez ivre pour vous dire pourquoi je vis dans ce coin abandonné de Dieu. Il y a aussi tous ces secrets qui existent par les silences. Il y a celui que le jeune idiot Ben va dire, qui dit lui-même, je n'ai jamais rien dit, hein, j'ai jamais rien dit. Dans Rebecca, il veut vraiment prouver qu'il n'est pas complice, qu'il n'est pas coupable, qu'il s'est tué, qu'on l'a menacé d'aller retourner à l'asile s'il se taisait pas, et il s'est tué. Donc, il a gardé ce silence. Et il y a les silences aussi, qui sont des silences des personnages. Quand justement dans Rebecca, la jeune femme voit que son mari est bouleversé, voit que son mari lui cache quelque chose. Elle dit, ses yeux m'interrogeaient, sombres et incertains, les yeux d'un enfant qui a du chagrin, d'un enfant qui a peur. Qu'y a-t-il, mon chéri? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Elle veut savoir et l'homme continue à se taire. Il ne parle que par ses yeux. Et elle dit elle-même, je ne pouvais pas oublier le regard égaré de Maxime. Son regard est très éloquent. C'est un regard plein de silence, mais malgré tout éloquent. Donc, c'est un monde de paradoxes, c'est un monde de silence, c'est un monde effrayant. Et je pense qu'il y a aussi le silence de tout ce qui n'est pas dit et qu'on suppose et qu'elle nous laisse supposer avec perversité. Quand un personnage, on parle des naufrageurs, dans l'auberge à Jamaïque, dit « Un homme rapportait quelque effrayant récit après un voyage sur la côte nord, mais on lui imposait le silence. » Un secret de famille est là, il pèse, il circule, mais il n'est pas vraiment explicité. Et ce drame initial va à chaque génération avoir, comment dire, comme des effets symptomatiques, mais dans le réel. Claude Pujadrenaud. Moi, j'aime pas les sagas familiales. Ça m'ennuie en général. Et j'ai quand même été assez étonnée par ce roman qui s'intitule Le Mont Brûlé. Et donc là, on voit qu'on retrouve le thème du feu, de l'incendie, de la destruction. Et là, c'est vraiment, oui, exemplaire. Ça commence en 1820, ça s'achève en 1920, et sur un siècle, Daphné du Maurier déroule l'histoire d'une famille, en fait de deux familles. Mais l'une vient beaucoup plus en avant, et c'est un petit côté rivalité des Montaigu et des Capulet. Et en tout cas, il y a une des deux familles qui est celle qui a réussi, qui a un magnifique domaine, un peu comme le Manderley de Rebecca, avec l'ancêtre qui pèse de tout son poids et qui en même temps a exploité une mine voisine du domaine. Donc il y a tout le jeu entre le monde rural traditionnel, ça se passe en Irlande, et le monde, l'avènement, disons, d'un univers industriel. Alors en fait, ce dont on s'aperçoit, là on revient au thème de la mémoire, c'est que ce qui est dit, c'est qu'un Donovan a tué un membre de l'autre famille d'un coup de fusil dans le dos, d'où la haine entre les deux clans. Mais en fait, on s'aperçoit qu'antérieurement, la famille qui est devenue riche a spolié de ses terres un Donovan et que tout est parti de là. Et donc, le secret, c'est ça, c'est la spoliation originelle. Et à chaque génération, on a ou des meurtres, ou des suicides, ou des accidents dont on peut se demander s'ils ne sont pas en fait des suicides semi-inconscients. On a l'alcoolisme, bien sûr. Bon, mais là, on peut dire que c'est culturel, c'est traditionnel, mais enfin, ça atteint parfois des degrés impressionnants. On a la semi-folie et on a des maladies brutales, parfois inexpliquées, que d'ailleurs, parfois, on va ramasser à l'étranger, en Italie, et puis on revient et on meurt sur le chemin du retour, ou bien on meurt en Italie, ou bien on revient mourir chez soi. Donc, moi, enfin, je suis quand même très frappée par cette permanence d'une semi-folie, mais qui circule là pendant tout un siècle, de génération en génération. Donc comme si le secret non dit avait des effets tragiques durant tout un siècle. Et à la fin, la belle demeure, le splendide domaine, va lui aussi être brûlé. C'est-à-dire que la belle maison, comme dans Rebecca, à la fin, la belle maison est détruite. Et oui, ce qui fait que j'ai été amenée à me poser la question, mais qu'est-ce qu'on brûle ? Parce qu'il y a quand même cette répétition de l'incendie en finale de ces deux romans. Qu'est-ce qu'on brûle ? Est-ce que c'est le secret de famille ? Est-ce que c'est cette mémoire souterraine qui a fait des ravages à chaque génération ? Qu'est-ce qu'il faut faire disparaître ? In a few hours, you've grown so much older. Legs and legs. I am not a romantic. Je ne suis pas du tout un écrivain romantique. La seule exception que j'admettrai. C'est vrai, c'était romantique. C'est L'aventure vient de la mer. Mais oui, d'accord, celui-là. Mais les autres, non, pas du tout. Rebecca, non, c'est une étude de la jalousie. Dit que l'écrivain doit avoir une avance sur le passé. Oui, je crois que c'est la citation plus précise. C'est difficile, ce sont des choses impalpables dont on parle là. C'est tout ce qui fait l'imaginaire d'un écrivain et dans lequel on ne pénètre jamais, même si on croit qu'on y pénètre. Puisqu'en fait, on croit son propre imaginaire avec celui de l'auteur. Et dans le cas de qu'est-ce que vous avez capté ou pu percevoir en travaillant sa langue, enfin. Mais ça, la langue que j'ai travaillée, c'est la langue de la correspondance. Donc c'est pas la même langue que la langue des romans ou celle des nouvelles. C'est brut, une correspondance. C'est pas destiné à être publié au départ. Hein. Son écriture, bon, par exemple dans les nouvelles, elle a quelque chose de très limpide. C'est-à-dire qu'elle est limpide et qu'en même temps, c'est très tendu. Donc ça, dans la correspondance, on le voit pas. Hein, parce qu'elle écrit bon, au fil de la plume, donc elle ne travaille pas son écriture. Tandis que, bon, c'est ça, elle a quelque chose de très paisible, son écriture, et en même temps, on est accroché immédiatement. Et on est pris dans cette pression, dans cette emprise du texte, parce qu'on oublie qu'on est en train de lire. Donc c'est très fort de la part de l'écrivain d'arriver à maintenir cette pression, cette tension. Et à la fin, on est soulagé, mais en même temps, on est déçu que ce soit fini. Et qu'est-ce qui crée cette chose? C'est le rythme des phrases? C'est la manière qu'elle a de... Si on prend un exemple, soit le petit photographe, soit les oiseaux, enfin... C'est une manière de décrire... Je pense que, bon, déjà, il y a une manière de décrire les événements, donc de conduire le lecteur. Bon, elle suscite l'intérêt du lecteur. Et le lecteur, bon, enfin bon, je parle de moi, là, discute avec elle. Parce qu'on se dit, bon, où est-ce qu'elle veut en venir? Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Non, il ne va rien se passer, le petit photographe, c'est une histoire banale de la liaison d'une marquise avec un photographe, c'est rien de particulier. Et brusquement, ça devient vraiment dramatique. Et on sent que le drame arrive. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans le rythme des phrases, mais en même temps dans les émotions qu'elle choisit. Elle sait tout à fait ce qu'elle fait. Elle maîtrise. Oui, elle maîtrise tout à fait la montée de l'émotion. Et finalement, ça s'achève sur un drame complet et l'indignation du lecteur, qui se dit quand même, c'est une criminelle et jamais elle sera punie. C'est très finement joué, et en très peu de pages, finalement. Les oiseaux, c'est différent, parce que les oiseaux, l'attention est dès les premières phrases. Elle ne nous quitte pas avant la fin de la nouvelle. Je vous dis, on a envie de s'arracher à la lecture, et en même temps, elle vous retient. C'est diabolique. Ou une sorte de possession, peut-être. Il y a aussi le pommier, cette très jolie nouvelle. Il ne se passe pas grand-chose, c'est l'histoire d'un pommier. Mais il y a aussi, il faut noter aussi l'importance de la nature dans ce qu'elle écrit. On sent qu'elle a quand même beaucoup vécu dans la nature, qu'elle a une observation très fine de la nature. Ce pommier qui finalement finit par s'identifier à la femme du personnage principal qui est morte, bon, dont il se moquait éperdument. Il finit par couper ce pommier parce qu'il lui rappelle trop sa femme. Elle amène ça très lentement. Et c'est l'air d'être une histoire anglaise très banale. Vraiment une histoire de la campagne anglaise. Et finalement, mais c'est dramatique ce pommier que l'homme coupe en pleine nuit parce qu'il ne peut plus supporter ce vieux pommier parce qu'il lui rappelle trop de souvenirs. C'est déchirant. C'est un goût de suspense. Mais elle arrive à maintenir le suspense dans des choses très simples. Comme si on vivait tout le temps dans ce suspense. J'ai un peu dans le même registre de l'inquiétante étrangeté. J'ai pensé à cette nouvelle qui s'appelle Les Vers Bleus, qui est alors dans un autre recueil intitulé Le Point de Rupture, et où là, il y a quelque chose moi qui me fascine beaucoup, c'est que les métamorphoses animales sont révélatrices de la vérité des humains. Alors là, il s'agit de l'histoire d'une femme qui a craint de devenir aveugle, qui subit une opération chirurgicale qui doit faire qu'elle voit parfaitement ensuite. L'opération a bien réussi, elle est à la clinique, et on lui pose des vers spéciaux qui sont intermédiaires et pour qu'elle se réadapte à la lumière au jour. Donc elle est dans une angoisse terrible. Est-ce qu'elle va voir? Chirurgie infirmière lui affirme que tout va bien, qu'elle va retrouver la vue, mais qu'il faut qu'elle passe par cette phase des verres bleus. Et qu'est-ce qui se passe avec ces verres? Elle ne voit plus les humains comme des humains, mais elle les voit comme des animaux. Et elle croit d'abord à une sorte de farce ou d'épreuve qu'on lui fait subir. Elle ne comprend pas. Mais c'est, ce qui est étonnant, c'est que son mari lui apparaît avec une tête de rapace. On retrouve un peu le thème du faucon. La gentille infirmière qu'elle aimait bien apparaît avec une tête de serpent. Et tout à fait inquiétante, évidemment. Et elle est complètement dans un état d'angoisse fou, elle dit. Et finalement, qu'est-ce que disent ces métamorphoses? C'est que son mari, en effet, veut probablement faire un détournement de fortune à son avantage. Et probablement, son mari a déjà lié une aventure avec l'infirmière et que tous deux conspirent pour annihiler cette malheureuse qui est dans son lit d'hôpital. Donc, il y a le surgissement d'un monde terrifiant d'un seul coup et la vérité sur les humains est révélée par la métamorphose animale. Et elle dit à un moment donné, personne n'était humain, et même elle ajoute, la jungle envahit tout, comme si un monde souterrain, archaïque, terrifiant surgissait. Comme s'il y avait donc un monde caché derrière le monde réel, banal. Mais je trouve que c'est presque comme une structure de rêve, cette histoire de la métamorphose animale, et d'un rêve par lequel on arrive à l'essentiel. C'est-à-dire que dans l'art même de Daphné du Maurier, il y a un apprentissage du regard. Oui, oui, oui, c'est très juste, comme si peu à peu, des voiles étaient ôtés et on voit autrement. Mais il me semble que ça ne peut être... Enfin, c'est souvent temporaire, c'est une sorte de révélation éphémère. On approche d'une certaine vérité ou d'une certaine beauté. Et puis, ça disparaît. Le destin est toujours important dans l'œuvre de Daphné du Maurier. Quand la jeune épousée dans Rebecca dit « Mon destin était suspendu, comme à un film, au trait de caractère de Madame... pas d'averse, Madame Von Hopper, qui est très snob. » Et cette personne-là n'avait pas été très snob, elle n'aurait pas voulu parler à Max de Winter. Et si elle n'avait pas parlé à Max de Winter, la jeune fille ne l'aurait pas rencontrée. Donc on se dit « Bon, il s'est trouvé des personnes sur notre chemin et on a suivi le cours des choses. » Et c'était mon destin que de rencontrer Max de Winter. Mais dans toutes les menaces qui planent dans l'œuvre de Daphné du Maurier, peut-être que je dirais qu'il y en a peut-être une qui est très... très secrète, très, très insidieuse, c'est l'ennui. Et en fait, est-ce que l'ennui n'est pas la pire des menaces? Tous ces personnages vivent des choses, c'est-à-dire, quand je parle d'ennui, c'est-à-dire le renoncement aux rêves. Ils rêvent. Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est pas ce... Daphné du Maurier, je pense qu'elle nous met en garde contre ça. Elle nous met en garde contre... est-ce que les vraiment ne sont pas finalement les lâches, ceux qui renoncent à leur liberté, ceux qui refusent tout ça? Daphné du Maurier était quand même pris dans un milieu... Bon, elle analyse son milieu qui est quand même souvent très superficiel. Et elle-même était une personne qui vivait entre deux... Dans deux mondes, elle avait son monde qui était le monde de sa vie. Elle était mariée à un monsieur qui s'appelait Frédéric Arthur Montague Browning, qui était trésorier du duc d'Édimbourg. Donc, il était lord, elle était lady, elle vivait à Londres une partie de sa vie. Mais il y avait tout son autre monde, qui est le monde de la création. Donc, elle vit en deux mondes. C'est un monde de famille, en plus. Elle avait son père était un grand acteur. Et son grand-père était écrivain. C'était Georges-Louis Dumouriez, qui était d'origine française. Et peut-être que cette origine française, c'est une parenthèse, explique toute la sympathie qui est... vraiment évidente dans L'aventure vient de la mer pour ce pirate français. C'est vraiment le type du French lover. On sent que les Français sont beaux, sont fins, sont sensuels et je ne sais pas si une Anglaise en aurait parlé avec autant de ravissement si elle n'avait pas eu dans sa famille un membre éminent qui était écrivain et qui avait écrit d'ailleurs Peter Ebbetson, qui est un roman qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Donc, il y avait donc ce personnage, ces personnages dans sa vie qui étaient des personnages créateurs. Et je pense que Daphné du Maurier avait besoin d'écrire pour échapper peut-être à son monde, pour compléter en tout cas le monde très très mondain dans lequel elle évoluait. Cet univers était quand même un univers c'est l'aristocratie. C'était des gens qui avaient des préoccupations qui étaient autres que celles d'une créatrice, d'une romancière. Elle a eu du succès Daphné du Maurier d'ailleurs très rapidement et ce succès l'a jamais empêché d'écrire. Elle aurait pu être bloquée ou se dire « bon, ben, j'ai ce qu'il me faut, j'ai réussi mon truc », pas du tout. Et j'ai du succès quand je pense précisément à Hitchcock, qui a voulu acheter les droits de Rebecca très vite, à peu près dès la parution. Et finalement, c'est Zinnick qui les a achetés 2 ans plus tard, parce qu'Hitchcock n'avait pas pu les acheter parce qu'ils étaient déjà trop chers. Donc, Hitchcock était quand même pas son premier film. C'était dans les débuts, mais quand même. Donc, elle avait eu déjà du succès rapidement. Mais je pense que ce besoin de création était peut-être une manière d'échapper à l'ennui. Quand il, le personnage principal, donc, arriva au pied du promontoire, c'est à peine s'il put se tenir debout tant le vent d'est était puissant. Respirer était douloureux et ses mains nues bleuissaient. Il n'avait jamais fait aussi froid au long de tous les rigoureux hivers dont il lui souvenait. La marée était basse. Il traversa les galets pour gagner le sable fin et là, dos au vent, creusa un trou avec son talon. Il pensait y jeter les oiseaux, mais lorsqu'il ouvrit le sac, la violence du vent les emporta, les enleva, comme s'ils reprenaient leur vol. Et ils s'éparpillèrent à quelque distance sur la plage, ébouriffés, étalés, ces 50 cadavres d'oiseaux gelés. Il y avait quelque chose de vilain dans ce spectacle. Nat n'aimait pas cela. Les oiseaux lui échappaient, balayés par le vent. La marée les emportera, se dit-il. Il regarda retomber les vagues vertes à crête blanche. Elles s'élevaient, abruptes, s'enroulaient et se brisaient. Et, comme la marée était basse, le grondement était lointain et sourd. C'est alors qu'il vit les mouettes, au loin, chevauchant la mer. Ce qu'il avait pris tout d'abord pour les coiffes d'écume des vagues étaient des mouettes. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Elles montaient et descendaient avec l'onde, tête au vent, comme une flotte puissante à l'ancre attendant la marée. Donc là, il y a cette dimension comme ça de la métamorphose, y compris dans le premier paragraphe, où ces oiseaux qui sont morts, ravivés par le vent, semblent reprendre leur vol. Donc il y a sans arrêt quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose des états. D'une certaine façon, Daphné du Maurier s'apparente à certains auteurs baroques du XVIIe siècle français, non pas dans l'écriture bien entendu, mais dans la thématique. C'est-à-dire que dans le XVIIe siècle français, beaucoup de poètes, dont Brébeuf par exemple, on regarde la surface de l'eau sur laquelle sont les nuages. On a l'impression qu'en fait on ne regarde pas l'eau mais le ciel. Simplement, le vent se levant, la surface devient trouble et fait que les nuages se gondolent. Et donc, on se rend compte que c'est l'eau. Et puis, d'un seul coup, cette surface d'eau, cette matière se fend et on voit apparaître en dessous la gueule des poissons. Et puis, le vent se calme, l'eau redevient l'eau. Et puis, le vent se calme tellement que l'eau redevient le ciel, puisque ça redevient le pur reflet des nuages. Cette dimension du baroque, elle est à l'intérieur de l'écriture de Daphné du Maurier, à mon sens. Et c'est malgré tout ce qui est le plus dur à restituer au cinéma, c'est-à-dire la métamorphose lente et sournoise des choses. I want you to go as quietly as possible. Do not make a sound until I tell you to run. Then run as quickly as you can. Now, does everybody understand? Yes, sir. All right, John, you lead the way. Quand on voit les oiseaux, par exemple, ce qui est très frappant, c'est qu'ils sont quand ils apparaissent, alignés sur des géométries extrêmement définies chez Hitchcock, au contraire, c'est-à-dire les bords de toit, les bords de terrasse, à la file indienne, ou juxtaposés, par exemple, à côté de l'école, sur les barres fixes ou les barres de jeu qui servent aux enfants. C'est d'ailleurs le plan qu'on connaît le plus du film Hitchcock, quand l'héroïne, Melanie, est assise et attend la sortie des enfants de l'école, et que dans son dos, les oiseaux, un à un, puis 10 par 10, puis 100 par 100, viennent s'asseoir, enfin se poser, se percher sur cette sorte d'assemblage géométrique de grilles qui sont des barres fixes et des chevaux d'arçon pour les enfants. Alors, les beaux moments, les magnifiques moments, c'est les attaques des oiseaux, les 4 ou 5 attaques successives qui là amènent cette mobilité et cette étrangeté comme ça, d'autant que Hitchcock prend le parti visuel des oiseaux, je veux dire qu'il est soit en l'air et la caméra au début dans les premières attaques fond en quelque sorte sur les personnages avec les oiseaux qui sont vus d'en haut. Donc il induit une sorte d'anthropomorphisme, de menace comme ça, quasiment rationnelle dans la tête des oiseaux de par la position de sa caméra. Mais malgré tout, l'oiseau chez Hitchcock reste une forme extrêmement définie et pourra obtenir, j'allais dire, ce soupçon à l'intérieur de son histoire. Je trouve qu'il transfère le soupçon. La dimension du soupçon chez Hitchcock dans les oiseaux, c'est la dimension de la menace. Que font ces oiseaux-là et que vont-ils nous faire? Mais en réalité, quand on les voit, ce sont des oiseaux. J'allais dire, ça n'est pas comme chez Daphné du Maurier, cette espèce de mousse mortifère qui se produit sur la mer et qui est comme une étape où la mer se transforme en oiseau et les oiseaux peuvent se transformer en quelque chose d'encore plus monstrueux qui serait le mal, tout simplement. Dans son premier roman, La chaîne d'amour, publié en 1931, Daphné du Maurier entreprend, à travers l'histoire familiale de 4 générations de constructeurs de bateaux, une traversée du temps. Michel Cazenave, dans La chaîne d'amour, les liens exceptionnels entre une mère, Jeannette Combes, et son fils, Joe Combes, se poursuivent par-delà la vie et par-delà la mort. La mère, c'est effectivement la sorte de grande mère qui est l'équivalent de la mère de l'océan, puisque le fils ne rêve que de ça, de toute façon. De l'océan, c'est l'équivalent de la terre-mère, en fin de compte. C'est vraiment, elle est ressentie comme la divinité, hein, par son enfant. Et cette mère, en même temps, a une position extrêmement active et d'une certaine manière extrêmement masculine. Dans la mesure, il y a la scène, par exemple, où son fils est en péril sur la mer avec de ses jeunes parents. Il s'est pris par la tempête. Il en ne compte que sur la mer pour venir les sauver. Et où on voit très bien le fils qui est là dans une espèce d'extase, parce que sa mère, effectivement, se plonge dans la mer pour venir les sauver. Le fils dans une espèce d'extase, Daphné du Maurier l'écrit, mot à mot, en disant les autres qui sont à côté de lui, ils peuvent mourir, ils s'en fichent. Sa mère est en train de venir. Et d'un autre côté, on a immédiatement le basculement du côté de la mer, et on nous dit, la mer, on la voit, on la montre en train de se battre avec les vagues, être vraiment en position héroïque, absolument, et en nous disant, elle aussi, bon, d'une part, elle sait qu'elle va sauver son fils, bien entendu, mais en même temps, ce combat avec les éléments, tout ce combat héroïque, cette position ultra-basculine, en fin de compte, en disant, elle aime ça. Elle aime ça, comme si, d'une certaine manière, elle donnait quelle était sa véritable nature. Et sa véritable nature, elle l'a, on le voit aussi, dans la manière où, en fin de compte, tout à fait à la fin, au moment où elle va mourir, au moment où elle voit lancer le bateau que son fils a fait construire et où la figure de proue il a fait sculpter selon le visage de sa mère, selon le corps de sa mère, on nous explique que, à travers justement cette figure de proue qui entre dans les flots quand on lance le navire, la mère tout à coup atteint elle aussi à une sorte d'extase. Et une extase d'ailleurs où elle va trouver la mort, et bien entendu le lien entre l'un et l'autre n'est pas innocent, elle va trouver l'extase parce que à travers cette figure de proue, elle fend les flots, et d'une certaine manière, elle a la communion avec l'océan. Mais il faut voir qu'elle a une communion, elle en position active, vis-à-vis de la mer et l'océan qu'elle fend. Au fur et à mesure que les générations passent, et lorsqu'on va arriver à la résolution du conflit, les deux derniers rejetons, car les deux derniers rejetons que l'on trouve, le couple qui est formé par, d'un côté, John Stevens, et de l'autre côté, Jennifer, qui est la petite fille du héros, on se rend compte que, de ce point de vue-là, effectivement, je dirais, les choses en sont revenues à leur réalité la plus profonde, à savoir que ceux qui se retrouvent, c'est la petite fille de l'homme, et c'est le petit-fils de la femme. comme si effectivement les sexes s'étaient inversés et on avait retrouvé la véritable identité psychologique. Je dirais d'abord que c'est apparemment un conflit oedipien et que là aussi c'est un piège, comme c'était un piège que de croire que c'est un roman familial. Parce qu'en réalité, bien sûr, on se dit c'est une mère, son fils est oedipien. J'ai moi-même prononcé le mot d'inceste. À la différence que l'inceste qui est désigné, à l'évidence, ce n'est pas l'inceste analytique, c'est ce qu'on appelait dans l'histoire des religions l'inceste royal ou l'inceste divin. La hiérogamie, en fin de compte. Hein, Aphrodite avec Adonis, Cybèle avec Atys, etc. C'est ça qui est désigné. Donc en réalité, quand on dit c'est apparemment de l'Oedipe, et c'est, lorsqu'on le lit réellement, exactement le contraire, il faut opérer un renversement. Un renversement de nature religieuse, à l'évidence. Cela dit, je crois que le bateau a en effet une fonction absolument fondamentale. Il a une fonction fondamentale, d'une part, parce qu'en figure de proue, il a effectivement la figure de la mère de Janet Coombe, et que donc même une fois qu'elle est morte, ce sentiment d'extase sur lequel elle est morte, c'est-à-dire en voyant ce bateau s'enfoncer dans les vagues, de se sentir elle-même tout son corps s'enfonçant dans l'océan, et que donc alors qu'elle a disparu pendant des dizaines d'années, elle va continuer en effet cette espèce de communion avec l'élément fondamental, et que d'autre part, il faut se rappeler quelle était la fonction exacte de la figure de proue dans l'ancienne marine à voile, c'est-à-dire pas du tout un élément ornemental, mais d'une part, une figure de propitiation, et d'autre part, une figure d'orientation. Une figure de propitiation, parce que toujours, on mettait... Et ça remonte très très loin dans l'Antiquité, et même, l'on pense même maintenant, d'après ce qu'on pense les archéologues, jusqu'au néolithique. C'est-à-dire le fait que lorsqu'on affrontait l'élément liquide, il fallait effectivement avoir une femme qui guide le navire. Et que d'autre part, par rapport à l'endroit où on voulait aller, ça c'est la propitiation, et la fonction d'orientation, qui était que c'est effectivement cette femme en accord le plus profond avec le corps féminin de la mer ou le corps féminin de l'océan, qui pouvait indiquer quels étaient les bons passages, et qui étaient d'une certaine manière les yeux, le regard du bateau pour arriver à se guider, à trouver la bonne route. Donc lorsqu'on a cette figure de proue de Janet Coombe, la mère de Joe Coombe, à l'avant de son bateau, c'est cela que ça veut dire. C'est-à-dire que tout ce sur quoi va maintenant jouer la famille, qui joue tout son destin pratiquement sur ce bateau, c'est que c'est l'esprit de la mère, c'est son esprit à elle, qui emmène toute la famille. Et d'où en même temps, évidemment, les conflits qu'il va y avoir, puisque c'est Joe Coombe qui va en être le capitaine de ce bateau, jusqu'au moment où l'âge faisant son effet, il ne peut plus en être le capitaine, et les rivalités qu'il va y avoir avec son frère, qui lui n'a jamais compris son amour pour la mère, là aussi, aux deux orthographes du mot, qui n'a jamais compris son amour pour la mère, et qui évidemment a souffert du fait que sa mère, Janet, a toujours préféré Joseph, le capitaine, à lui. Et donc, effectivement, les sordides histoires de famille dans lesquelles nous allons nous trouver. Et puis, il ne faut surtout pas oublier quelque chose aussi, c'est que c'est un roman qui est écrit en langue anglaise. Hein. C'est-à-dire que le bateau, c'est au féminin. Ce n'est pas au masculin comme chez nous. Hein, et que donc on se trouve là devant une puissance, c'est la puissance psychologique, je dirais presque mythologique, de féminin qui est affirmée. Et donc en même temps, dans ce rapport qu'a Joseph avec le bateau, dans le rapport d'ailleurs qu'a tout le reste de la famille avec le bateau, c'est effectivement le rapport avec le maternel fondateur. Oh oui, le personnage de Marianne, maîtresse aïeule, était une dame très active. Oui, oui, elle a été la maîtresse du duc. Mais le plus drôle, c'est qu'à la fin de sa vie, elle a été en procès, et le juge lui dit ironiquement « Sous la protection de qui êtes-vous maintenant, madame ?» Et elle lui répond « Mais je pensais que j'étais sous la vôtre. » Riposte admirable à un juge. Mais elle a tout de même écopé de 9 mois de prison. J'ai toujours le sentiment que vous vous intéressez plus aux lieux qu'aux personnages. Mes personnages sont presque toujours imaginés. Je ne les tire pas des gens réels comme on le fait beaucoup aujourd'hui. Alors que les lieux, ce sont des lieux que j'ai vus réellement, comme Minabili, comme Milton. J'y ai séjourné, je les ai vus. Les personnages sont toujours immergés derrière les lieux. Oui, c'est possible. Mais voyez-vous, je n'analyse pas mes livres comme le font d'autres auteurs. Je ne me demande pas pourquoi j'écris telle ou telle chose. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne me poser la question, et à ce moment-là, j'ai une réponse. Dans le texte précédent de la correspondance, Auriel Maladic a été très surprise de son attention. L'une des premières questions qu'elle lui a posées, c'est « À quoi ressemble votre journée ?» En fait, c'est une question que je comprends tout à fait, parce que je trouve ça très intéressant de savoir à quoi ressemblent les journées des gens. À quoi on occupe ces journées. Mais ça, c'est un signe de la curiosité de l'écrivain qui a besoin de savoir toutes ces choses pour sa propre création. Non qu'il les utilise directement, mais ça alimente tout un paysage, tout le paysage qui porte l'œuvre. Toutes ces choses qui ont l'air banales et qui ressemblent à des détails, en fait, ne sont pas des détails, mais constituent le fondement de la création, je pense. Et vous pensez qu'il y a quelque chose comme ça chez elle, qui captait, enfin, qui était toujours à l'affût, enfin. Oui, elle en parle. Je veux dire, elle parle de ses carnets où elle note tout ce qui se passe ou des observations. Et elle, on voit bien qu'elle les réutilise dans ses textes. C'est très précis, ces textes. C'est très descriptif. Chaque détail est à sa place. Elle explique aussi dans une autre partie du livre que les idées, il faut les laisser reposer. Comme une terre en jachère, ou comme la pâte d'un gâteau, ou du pain. C'est des images très, très parlantes, très pratiques, mais très parlantes en même temps. C'est une forme d'artisanat, l'écriture, d'une certaine manière. C'est une façon de ciseler un matériau. Sauf que le matériau est immatériel, ce sont les mots. Elle explique que dans la création, il faut des zones d'ombre, c'est-à-dire des moments de méditation qui peuvent durer. Et c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre où on n'a rien à dire. Ça peut être très angoissant. Enfin, je crois que les peintres aussi, enfin tous les créateurs ont ça. Il y a des moments où on a l'impression que c'est le silence et qu'il n'y a rien en soi et qu'il n'y aura plus jamais rien. Et puis il y a un moment où ça revient. Mais c'est nécessaire parce qu'il faut que les idées disparaissent, qu'elles disparaissent dans l'ombre pour travailler dans l'inconscient. Et en fait, l'écriture, c'est ce qui permet de révéler cette chose-là. Sans doute, de la reconstruire. C'est une reconstruction. C'est ce qu'elle explique, oui. C'est ce qu'elle conseille aussi à sa correspondante, Auriel Mallet. Elle dit, les zones d'ombre, c'est très bien. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, quand même. Qu'elle dure trop longtemps, mais c'est vrai que c'est utile. Ça fait reposer les idées, ça les fait évoluer. Elle était très consciente de son travail d'écrivain. Je ne sais pas si elle se posait la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, mais elle savait très bien en quoi consistait son métier. Et elle en parle beaucoup plus quand elle est plus âgée et que c'est plus difficile et qu'elle n'a pas envie de parler des mêmes choses. Ou elle fait des recherches. Oui, parce qu'elle a fait des recherches sur ses ancêtres, les souffleurs de verre, à un moment donné. Elle va en France, elle fait un long voyage. Bon, peut-être ces livres-là sont moins connus du public maintenant. Elle réfléchit beaucoup. Et elle dit qu'il ne faut pas publier trop souvent en même temps. Et pourtant, elle a publié... Elle a publié beaucoup, mais elle dit que, quand même, tous les deux ans, ça suffit. Ce qui est déjà pas mal. Mais que, bon, il ne faut pas fatiguer le public. Il ne faut pas être trop présent. Et il y a un moment où elle dit qu'elle a moins de succès, que c'est tel autre auteur qui l'a remplacée. Donc là, elle est un peu triste. Auriel Mallet, une rencontre avec Daphné du Maurier, une journée avec Daphné du Maurier, c'était comment? C'était sa question pour tout le monde. What is your day? Quelle est votre journée? Eh bien, je crois que dans beaucoup de cas, c'était probablement un peu décevant. Parce que Daphné, au fond, était très timide. Et quoi qu'elle était, elle est très gentille quand les gens arrivaient, mais elle redoutait les rencontres avec les gens qu'elle ne connaissait pas très bien. Et autant elle était détendue et amusante et drôle dans son intimité, je pense que elle n'aimait pas beaucoup être interviewée. Mais quand elle rencontrait les gens par hasard, eh bien, elle était absolument charmante. Et tous les voisins et les gens qu'elle rencontrait sur les plages, elle était tout à fait gentille avec eux, tout le monde l'aimait beaucoup, beaucoup. Mais je crois que l'idée qu'elle allait rencontrer quelqu'un à 4 heures, qui allait lui parler probablement toujours de Rebecca, ça l'agaçait, ça l'ennuyait et ça lui faisait un peu peur aussi. Non, Rebecca, vous ne pouvez pas dire que c'est un roman romantique. C'est une histoire de jalousie. Ma cousine Rachel aussi, cette fois c'est un jeune homme qui est jaloux. Frightfully fond of his cousin, this woman, then of course he falls in love with her and so on. But it's jealousy. C'est toujours de la jalousie, le poison, tout ce que vous voulez, mais pas du romantisme. Quand Daphné du Maurier crée des personnages qui se révoltent, je dirais qu'ils sont à la limite, entre guillemets, féministes avant l'heure, qui sont contre le machisme. Évidemment, c'est des personnages qui sont sujets à vivre des choses désagréables. On peut leur rabattre le caquet assez vite. Et c'est pas pour rien que Daphné du Maurier écrit dans la bouche de, elle met ça dans la bouche de son personnage qui est Donna Saint-Colombe, qui est un personnage tout à fait intéressant. Elle dit que elle a peut-être une secrète préférence pour son fils James, simplement parce qu'il était un garçon, et elle dit aussi en toutes lettres, comme je voudrais être un homme. Est-ce que c'est ce que Daphné souhaiterait? Je ne sais pas. Mais les femmes sont quand même, comme on l'écrit en toutes lettres, soumises à la loi de la nature. Ça, c'est dans L'aventure vient de la mer. Les femmes font des enfants et les femmes sont clouées au sol par leurs enfants. Aussi, le fait que les femmes sont soumises à une sexualité qui est souvent triste. Quand Donna parle de son mari, elle parle maladroit puis d'un sot. Et ce même mari lui dit « Vous allez quand même pas fermer votre porte cette nuit. » On suppose qu'elle est obligée de se soumettre à son époux. Et quand des hommes parlent cette même femme, d'autres hommes avec son mari Harry, quand il parle de Donna, ils vont dire « Si j'étais lui, je la mettrais sous clé. » Alors, on sent qu'il peut y avoir une menace, là. Que cette femme-là, on peut se décider de la priver de liberté parce qu'elle en prend trop. Quand Rachel... dit que les femmes ne doivent pas nécessairement souffrir pour accoucher. Et pourquoi devrait-elle souffrir? On sent là que Daphné du Maurier avait peut-être pas condamné totalement Rachel. C'est peut-être pour cette raison-là. Parce que Rachel est un personnage quand même qui est fort, est une femme qui est indépendante, qui est courageuse, qui se tient, qui est partie de l'Italie, qui a réglé son voyage, qui est capable de manœuvrer habilement toutes sortes de choses. Elle peut pas, évidemment, l'appuyer moralement. Mais en même temps, elle est d'accord pour quand même... En tout cas, il y a certains aspects dans la personnalité de Rachel qui plaisent à l'auteur. Et je pense que ce trait de caractère d'indépendance est un trait de caractère que Daphné du Maurier a donné à ses personnages et aurait souhaité que bien des femmes aient le même tempérament, comme Donna, qui est très irrévérencieuse envers la société dans laquelle elle évolue, toujours dans L'aventure vient de la mer. Elle va taquiner les gens, elle va vraiment dire des choses tout à fait... elle va même parler de sexualité quand on pense que les pirates français qui écument le paysage anglais et qui vont voler chez les nobles et qui sont tous outrés de ça, ils prétendent tous que les femmes sont violée par les pirates anglais, et elle sait très bien que c'est pas ce qui était arrivé. Elle a dit, mais est-ce que vous pensez pas que ce serait pas plutôt l'inverse, que les femmes se sont amusées? Et c'est scandaleux de dire une chose aussi énorme dans cette société-là. Alors vraiment, elle choque tout le monde. Elle leur demande aussi, quand ils parlent des pirates, puisqu'ils les accusent de tous les maux de la terre, elle dit, oh, mais vous croyez pas qu'ils pourraient être aussi cannibales? Elle va très loin dans son irrévérence, mais ça fait un personnage qui est très attachant. Cela dit, il faut quand même considérer que ces personnages-là, Donna ou Rachel, sont pas des personnages miséreux. C'est des personnages qui ont droit à une certaine révolte parce qu'ils sont pas écrasés par la pauvreté. Le personnage de Mary dans l'auberge de Jamaïque ne peut pas se révolter. Mary, même ce qu'elle fait, c'est déjà énorme d'avoir autant de courage physique et morale pour survivre dans cette auberge, elle peut quand même pas, elle, se révolter contre le système, contre la société et tout ça. Elle est, sa vie est pas, sa vision et sa vie est pas la même que celle d'une mélédée, d'une lady anglaise. C'est pas du tout la même chose. Je pense que Daphné du Maurier, dans son milieu, est à l'aise et peut contester et peut écrire des choses qui remettent en question et qui posent des questions sur le machisme, par exemple, et tout ça, sur la position de la femme dans la société. Il y a une petite révolte qu'on sent, mais Daphné, quand même, n'a pas remis complètement en question son milieu. Il y a des phrases qui sont quand même, je trouve, difficiles. Par exemple, quand je parle de la misère des femmes, elle dit que elle parle d'un personnage, je crois que c'est le cousin de Rebecca. Il y a des gens qui l'auraient trouvé beau. Des vendeuses de confiseries qui se trémoussent derrière leur comptoir et des ouvreuses de cinéma. On sent quand même là, un mépris de l'auteur pour ces femmes qui gagnent leur vie. Elles n'ont pas toutes les moyens d'être mariées à un lord. J'ai trouvé ça très cruel comme phrase. Et aussi, quand le personnage de Donna arrive sur le bateau du pirate, la première chose qu'elle dit, le navire était propre. N'est-ce pas formidable? Le navire était propre. Donc, ça, on sent dans quel univers évoluait Daphné du Maurier. Quand elle parle de choses qui sont dégoûtantes, elle va parler de pudding à la graisse de rognon. Et les personnages ressemblent à ça. Elle va parler aussi quand tous les naufrageurs se retrouvent ensemble à l'auberge, enfin, les complices de Joss Merlin. Elle va parler, des voleurs, des bandits, des cambrioleurs, des bohémiens. Et elle met tout le monde dans le même sac. Quand on lit la correspondance de Daphné du Maurier, on le voit bien quand même, à travers ses réflexions, le thème affleuré. Ce qui lui pose un problème... Et ça, c'est absolument passionnant, c'est qu'à elle, femme, la grande énigme, c'est la féminité. Et que, finalement, dans tous ces romans, les personnages ambigus, d'abord, tous les personnages centraux, pratiquement réellement, ce sont les femmes. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes, ils sont quand même bien pâles, sauf dans le cas de quelqu'un comme Jokum. Mais Jokum est tellement pris dans la sphère de sa mère, en quelque sorte, qu'il en est attiré par elle, qu'il en trouve sa profondeur. Mais... si on prend Rebecca, si on prend ma cousine Rachel, si on prend Maïorian, etc. Ah, bon, on voit bien, ce sont les femmes qui sont les pivots. Et les femmes qui sont effectivement extraordinairement ambiguës, parce qu'on voit très bien comme à la fois elles ont toutes les puissances des ténèbres et qu'à la fois elles ont l'extraordinaire puissance de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, je dirais, la vision misogyne traditionnelle de la femme et en même temps, d'ailleurs, la peur de l'homme devant la femme. Et dans un cas comme Rebecca, ou dans un cas comme ma cousine Rachel, on le voit très bien à quel point la peur de la femme, la peur de se perdre dans le mystère, dans la profondeur de la femme, est extraordinairement fort. Et puis en même temps, cet aspect, je dirais, sauveur, salvateur de la femme, l'aspect un peu Vierge Marie, si l'on peut dire. Et où on voit très bien comme Daphné du Maurier, en fin de compte, elle est prise dans cette hésitation-là. Alors, cette hésitation, où elle est réglée, comme dans Rebecca, dans laquelle on divise la femme en deux, en quelque sorte. Il y a Rebecca elle-même qui est le mal, et puis il y a la jeune et nouvelle châtelaine de Manderley qui est au contraire le bien, et qui est finalement une grande force derrière sa fragilité, etc. Soit, au contraire, dans une ambivalence qui est sans arrêt soutenue, comme dans ma cousine Rachel, parce que dans ma cousine Rachel, on voit le héros penser, découvrir peu à peu que Rachel a dû tuer son oncle, il se débarrasse de Rachel, et puis finalement, à la fin, on n'est pas si sûr que ça. Que Rachel finalement l'a tuée. Donc, est-ce qu'elle est l'assassin? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle était le bien? Est-ce qu'elle était le mal? Il y a finalement une hésitation, une absence de conclusion, finalement, qui reste. Et ça, je crois que c'est fondamental quand même dans tout l'univers de Daphné du Maurier. Justement, cette présence centrale de la femme, cette double nature dans laquelle elle est, et le fait qu'au-delà de cette double nature, et alors là, évidemment, c'est dans la chaîne d'amour que c'est le plus clair, le fait que, je dirais, et c'est bien là que Daphné du Maurier, même au-delà des apparences, n'est pas réellement chrétienne à mes yeux, n'est pas réellement anglicane, même si elle sacrifiait à ce qu'il fallait du point de vue de la bonne société dont elle faisait partie, elle est profondément panthéiste et profondément platonicienne au sens de la sophianique, en fin de compte, du culte de la sagesse, avec un grand S, c'est qu'effectivement on voit bien que le pouvoir réel, le pouvoir religieux, je dirais même, et divin réel, c'est du côté du féminin qu'il se trouve. 15 janvier 1981. Très cher Auriel, je ne cesse de penser à vous deux, et je pense aussi à la petite maison, à toutes ses pièces, à ses habitudes, et à vous qui vous êtes montré si compréhensive avec moi. Pardonnez ce gribouillis, je peux parler sans problème, mais mon écriture est effroyable, et quand je tape à la machine, c'est pire. Que se passe-t-il? Je me le demande. Autrement, je me sens bien, je dors bien. Bon anniversaire, je vous téléphonerai. Affectueusement. Lettre de Daphné Dumaurier à Auriel Mallet. Elle dit à un moment de sa correspondance que l'imagination, c'est très bien, mais seulement si elle sert à revivre le passé, si elle sert à apercevoir le passé, à le revivre. Et c'est là qu'on voit que le rôle que jouait sa mémoire, que jouait la mémoire dans son œuvre, et qu'on se rend compte à quel point la fin de sa vie était pathétique parce que elle a perdu la mémoire. Et Auriel Mallet le décrit très très bon, cruellement. Voilà, on est d'un côté, à un moment donné, elle dit que Daphné Dumaurier lui a posé une fois la question, elle lui a dit « Est-ce que c'est moi qui écris autant n'emporte le vent ?» Donc elle se souvenait, malgré tout, qu'elle avait eu un grand succès. C'était juste qu'elle se trompait de titre. C'était une sorte de déviation de la mémoire. Et donc son amie explique qu'elle avait toujours une pile de magazines et qu'elle essayait de travailler sa mémoire et qu'elle posait des questions. Or, la mémoire, c'est quelque chose de spontané. C'est pas quelque chose qu'on entretient, c'est quelque chose qui est là, qui est avec vous, quoi, qui vous accompagne. Et en même temps, on a l'impression que même dans toute sa façon de composer ses romans, elle est un peu comme un enquêteur. Elle est toujours en train d'enquêter, en fait, comme celui qui suit une piste, enfin... Oui, elle est en train de fouiller dans le passé, de revenir en arrière. Il y a cette nouvelle aussi. Non, j'ai oublié le titre. Je crois que ce sont deux enfants qui arrivent dans une île, qui retrouvent leur père. Peut-être je me trompe, mais c'est une histoire. C'est une sorte d'atmosphère glauque. Mais où effectivement, il y a cette atmosphère d'enquête où on a l'impression que tout va tourner au drame d'une minute à l'autre. Cette sensation de drame imminent, en fait, qui est très saisissante chez elle, qui est un art. C'est un travail de l'écriture. C'est une manière de faire monter l'émotion. De créer l'émotion de telle manière que le lecteur n'y échappe pas. Elle dit que c'est essentiel d'atteindre la vérité. Donc c'est la vérité, pas la réalité. Le réel, c'est commun. La vérité, ça veut dire que c'est pas vrai dans la vraie vie, c'est vrai dans le roman. Donc ça, c'est tout un... C'est très subtil. Donc elle arrive à faire croire au lecteur qu'il est dans la vérité. C'était Une vie, une œuvre. Daphné Dumaurier, Une griffure à l'âme, par Florence Marguier, avec Anne Rabinovitch, Christine Brouillet, Claude Pujade-Renaud, Michel Cazenave, Jeanne Labrune, Auriel Mallet. Musique originale, Marc Marder. Voix de Daphné Dumaurier traduite par Ruth Stegazy. Mixage, Véronique Amiot, Monique Burguière. Réalisation, Isabelle Huel. Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 décembre 1996. Sous le titre « Les romans de Cornouailles » viennent de paraître chez Albin Michel trois romans de Daphné du Maurier en un seul volume, « L'auberge de la Jamaïque »,« La crique du français »,« Ma cousine Rachel ». À noter également la biographie de Daphné du Maurier, signée Tatiana de René, « Manderley Forever », publiée chez Albin Michel et Loïse d'Ormesson. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.